tu t'es déconnecté sans le savoir. Naam. Est-ce que vous, je ne sais pas où je me suis arrêté, où je me suis déconnecté, pardon. Est-ce que vous m'avez parlé, est-ce que vous m'avez entendu parler de Cheikh Al-Albani Lahm? Est-ce que vous m'avez entendu parler de Cheikh Al-Albani Lahm? Naam. Donc j'ai dépassé le Cheikh Al-Albani, ça? Vous avez entendu l'Albani, ça? Vous dites un, c'est tout. Non? Subhanallah l'Azim. J'avais dit que, naam, Allah subhanahu wa ta'ala, naam, comme c'est dans un hadith sahih, que quoi? Que, il est dit que, le hadith. Naam, les autres, je crois qu'ils n'ont pas entendu l'Albani. Il dit que Allah Ta'ala avait envoyé Cheikh Al-Albani. Allah yarhamou, que vous êtes inshallah Ta'ala d'accord avec moi que celui qui a renouvelé pendant ce siècle naam, le hadith, c'est bien Cheikh Al-Albani Allah yarhamou, que Allah Ta'ala a envoyé, qui a passé sa vie, toute sa vie dans les hadiths naam, a essayé de distinguer les vrais des faux et des faibles et des forgés. Naam, et de par ses actions, il a, subhanallah azza wa jal, il a été, yani, la cause, naam, pour combattre les muta'assibin, ceux qui disent que tu es obligé de suivre l'école, l'une des quatre écoles, Malikit, Shafi'it, Hanbalit, Hanifit. Naam, Cheikh Al-Albani a montré que Allah Ta'ala ne nous a ordonné de suivre que lui, et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aucune école. Les écoles, on les respecte, mashallah. Ce sont des grands ulama, les quatre grands imams. Des grands ulama, mais ce n'est pas une obligation que je le suive. Si je dis c'est une obligation, ça veut dire quiconque ne suit pas une école, des quatre écoles, va aller en enfer. Alors cela, ce n'est pas vrai. Impossible. Allah Ta'ala ne nous a ordonné que de le suivre. Lui, son Coran, et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on demande, c'est pas on suit, on imite, comme l'aveugle. Non, on demande aux ulama les choses qu'on connaît pas. Mus'alu ahl al-dhikr in kuntum la ta'lamun. Tayyib, je disais que les hadiths ont tellement d'importance que les salafs, de temps en temps, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils, subhanallah al-azim, ils lisaient les hadiths sans les expliquer. Naam. Tellement, ils cherchaient la lumière du hadith. Le hadith, quand tu l'entends, subhanallah, qui l'a dit? C'est la mère créature qui a dit le hadith. Et elle a pris ce hadith d'où? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Donc c'est une lumière descendue du ciel. C'est pour ça que les salafs entendaient comme ça les hadiths, des fois, même sans explication. Et je vous ai dit une fois que Cheikh Abdul Malik Ramadan, hafidhahullah, je lui ai assisté à Alger, il faisait comme ça des fois. Je me souviens une fois, il a fait le livre de Tirmidhi, Sahih Tirmidhi. Il te lit seulement, il t'explique pas. Tu lis seulement, tu écoutes le hadith. Tayyib. On va revenir à notre livre dans le hadith 2870. Dans le hadith 2870, on s'était arrêté au hadith où les trois personnes qui sont allés chercher du bois, et vous connaissez le hadith, c'est pas la peine de le terminer, et la pluie a commencé à tomber, il a fait nuit, ils sont rentrés dans un trou, ils sont rentrés dans la caverne, ensuite il y a le grand rocher qui leur a bouché la sortie, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des doigts, chacun a fait un doigt que vous connaissez, vous l'avez entendu plusieurs fois, et bidna ta'ala, ils sont sortis. Ils ont fait des doigts sur quoi? Sur, yani, les bonnes actions qu'ils faisaient. L'un a parlé de ses parents, comment il leur était obéissant, et a demandé à Allah de lui porter secours. Le deuxième, il parlait de sa cousine, avec laquelle il allait faire la zina. Ensuite, il s'est retenu, et il a dit à Allah, si j'ai fait cette fois, si j'ai fait cette chose, c'est-à-dire je me suis retenu, j'ai pas fait avec ma cousine, à cause de toi, naam, alors fais-nous une issue. Et le troisième, à cause de, comme vous savez, que il a été employé chez quelqu'un, il a employé quelqu'un chez lui Ensuite, si quelqu'un n'a pas voulu prendre, disons, la paye, et l'autre, avec sa paye, qu'est-ce qu'il a fait? La paye, c'était du riz, etc. Il l'a semé avec cet argent, il lui a acheté des vaches, des chameaux, des moutons, etc., etc. Ensuite, l'autre a tout pris et ne lui a rien laissé. De ce hadith, on avait pris beaucoup de quoi? Beaucoup d'intérêts. Si je fais la révision, je vais citer seulement deux intérêts. Le premier, c'est quoi? C'est que quand quelqu'un est dans les problèmes, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire alors des doigts avec des actions qu'il a faites dans le passé. Je donne un exemple. Aujourd'hui, par exemple, tu as donné, par exemple, à un pauvre qui était vraiment pauvre, disons tu lui as donné par exemple 50 euros. Non, tu lui as donné fils Abdullah, il t'a fait de la peine et tu lui as donné fils Abdullah. Dans un mois, il t'arrive un problème avec la police, avec je ne sais pas qui, un problème. Non, donc il est possible, on la sunna, de demander à Allah subhanahu wa ta'ala en disant ya Allah, tel jour ou tel mois ou telle année, j'ai donné 50 euros à telle personne. Ya Allah, si j'ai fait cette chose pour toi, naam, pour ton visage, fils Abdullah, alors fais-moi aujourd'hui une issue du problème où je suis. Naam, c'est le premier intérêt. Donc, ça va nous donner autre chose. Quoi? Donc, celui qui ne fait pas beaucoup de bien et de bonnes actions, il ne peut pas faire ses doigts. Non, il n'a pas de bonnes actions. Il n'a pas. Comment qu'il va dire? Donc il faudrait que ce soit une personne pieuse qui fasse les bonnes actions pour que comme ça, lorsqu'elle est dans le besoin, elle se base sur ses bonnes actions. Non. Deuxièmement, on prend le deuxième intérêt. Je crois que c'est le meilleur intérêt ici. Enfin, c'est pas le meilleur. C'est un intérêt très important. Le fait de côtoyer les bons gens. Non. Car ces trois personnes, tous trois avaient fait des choses, mashallah, et ils sont basés sur ces choses. Et Allah Ta'ala les a fait sortir du pétrin et du gouffre où ils étaient. Donc, quelqu'un qui ne fréquente pas les bonnes gens, et s'il se trouve les trois ou là les deux dans le même pétrin, dans un trou ou là, dans un puits ou là, ils ne peuvent pas sortir. Pourquoi? Parce que tu es avec quelqu'un qui n'est pas pieux. Naam. Il fallait, si tu vas faire le doigt à toi, Masha'Allah, et lui, il ne peut pas faire les doigts, il n'est pas pieux, il ne fait pas la prière, il boit de l'alcool, etc. Donc, d'où la nécessité de ne fréquenter que les pieux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « La tu sahib illa mu'minan » Ne côtoie qu'un croyant, ou bien un pieux. D'après, qu'est-ce que ça veut dire ici, mu'min? Est-ce que c'est le contraire de kafir, ou bien c'est plus haut que muslim? Il y a muslim et il y a mu'min. Et il y a en troisième position, muhsin, vertueux. Donc il y a muslim, musulman, ensuite croyant, ensuite vertueux. Comme le hadith de Jibril, alayhi salam. Naam. Et n'oubliez pas deux choses, que je répète souvent, ça ne fait rien, mais pour que ça s'ancre dans les cœurs, n'oubliez pas que l'oncle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ira en enfer éternellement, Abu Talib, à cause de quoi? À cause de la mauvaise fréquentation. Naam. Naam. Lorsque il était agonisant et que le prophète alayhi sallam lui a dit, dis seulement une phrase, naam, Inch'Allah, c'est moi qui te défendrai le jour du jugement dernier. Dis seulement, shahadu la ilaha illallah, shahadu Muhammad abdu wa rasuluh. Mais sa mauvaise fréquentation, Abu Jahl, Abu Lahab, qui était présent, naam, ont influé sur lui et lui ont dit comment tu vas dire cette phrase et mourir loin de la religion de tes ancêtres et de tes aïeux. Et il n'a pas dit la ilaha illallah. Et s'il était seul, loin de la mauvaise fréquentation, peut-être qu'il l'aurait dite cette phrase et il serait maintenant dans le grand paradis, loin de l'enfer. Regardez ce qu'il a perdu. Il a perdu tout son avenir. Et sera éternellement en enfer. Allah subhanahu wa ta'ala l'afiya. À cause de la mauvaise fréquentation. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, n'oubliez pas que la bonne fréquentation a tellement d'importance que Allah Azza wa Jal a cité un chien dans le Coran parce que il avait une bonne fréquentation. Dans Sourate Al-Kahf, la Sourate de la caverne, quand il a dit, ils vont dire c'est 4, ils sont 5, ils sont 6, ils sont 7. Ensuite il a dit, et leur chien, avec les pattes étendues devant la porte. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَعَيْهِ بِالْوَسِيدِ. Non, subhanallah, pourquoi il a cité un chien? Non, un chien, un sale chien qui te prend chaque jour deux montagnes de récompenses si tu l'as dans la maison. Il te prend chaque jour deux montagnes de récompenses, sauf si c'est un chien de garde, bien sûr, ou bien un chien inutile. Celui-là, il a été cité dans le Coran et dans un verset qu'on lit chaque vendredi. À cause de quoi? À cause de la bonne fréquentation. Il était avec des personnes pieuses qui se sont enfuies pour se cacher dans la caverne. Al-Muhim. Maintenant, Inch'Allah Ta'ala, on commence les nouveaux hadiths bi'idna Azza wa Jal. Dans le hadith, Inch'Allah Ta'ala, l'un de vous, à chaque fois que je cite le hadith, il écrit le numéro. Jazakumullahu khayran. Naam. Tayyib, tu cherchais une personne ici, je ne sais pas si elle est là. Tayyib, une seconde. Une seconde. Une seconde, Bidna Ta'ala. Taïb. Je n'ai pas trouvé la personne. Attendez. Ah. Taïb. Je l'ai trouvé. Je disais que. Non. Je disais que. Le hadith, c'est le 2871. Dans le hadith numéro 2871. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: بينما رجل راكب على بقرة التفتت إليه. Alors qu'un homme était, yani, sur une vache. Yani, il montait sur une vache. Naam. Il montait sur une vache, comme on monte sur un cheval. Naam. La vache, on monte pas sur elle, mais celui-là, il était sur la vache. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Alors qu'il était sur elle, est-ce que vous connaissez le verbe? Comment on dit il était sur la vache? Ça se dit pas comme ça, il était sur la vache. Il y a sûrement un verbe que je connais pas. El-Mohim, vous m'avez compris. Il était sur la vache, une jambe à droite, une jambe à gauche, et elle marchait. Quand soudain, elle se tourna vers lui. La vache se tourna vers lui. Il lui dit, إِنِّي لَمْ أُخْلَقْ لِهَذَا. Elle lui dit, je n'ai pas été créé pour cette chose. C'est-à-dire, je n'ai pas été créé pour être monté. Ça, la vache n'a pas été créée pour être montée. Elle a été créée pour d'autres choses. Naam. إِنَّمَا خُلِقْتُ لِلْحَرْثِ. Mais j'ai été créé pour le labour. C'est la vache qui a dit ça. Naam. Elle lui a dit, j'ai été créé pour le labour. طيب. Ensuite, le prophète, alayhi salatu wasalam, qu'a-t-il dit? Il a dit, فَأَنَا أُؤْمِنُ بِهَذَا وَأَبُو بَكْرْ وَعُمَرْ. Il a dit, et moi, je crois en cela. C'est-à-dire, je crois que la vache a parlé à l'homme et il a entendu parler. Pourquoi il a dit je crois? Car il est possible, il veut dire par ça, il est possible que il y a des gens qui ne croient pas. Comment dire comment? La vache une parle. Pardon, la vache parle. Ça, c'est pas vrai. La vache ne parle pas. Il a dit, moi je crois en cela. Et Abu Bakr wa Omar croient en cela. Et Abu Bakr wa Omar, bien sûr, n'étaient pas présents. Ils étaient absents. Et subhanallah al-Azim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a donné quoi? Une tazkiya. Subhanallah al-Azim. Qu'est-ce qu'il y a du prophète sallallahu alayhi wa sallam que Abu Bakr et Omar croient en cela? Naam, ils n'ont aucun doute. Naam, pourquoi? Ça vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jamais ils ne mettent sa parole en doute. C'est impossible. Naam, jamais, c'est impossible. Ensuite, il a dit: wa baynama rajulun fi ghanamih id 'ada adh-dhi'bu fa dhahaba minha bishat. Il a dit, et alors qu'il y avait une personne qui était avec, disons, son troupeau, hein, qui était qui avec son, son troupeau, gardait son troupeau, quand voilà un loup, ou bien un chacal, a pris un mouton, a pris un mouton. Alors, le berger, le propriétaire des moutons, a couru derrière le loup et lui a pris le mouton. Et lui a pris le mouton. Naam. Alors, le loup lui a dit. Alors, le loup, le renard ou le chacal. L'un des trois. D'après que ça veut dire dhi'b. Alors, le loup lui a dit. هنا استنقذتها مني فمن لها يوم السابع يوم لا رعي لها غيري نعم le loup lui a dit aujourd'hui tu as pu prendre le mouton tu as pu يعني prendre le mouton d'accord mais qui pourra le sauver qui pourra sauver ce mouton نعم lors le jour où il n'y aura deux bergers que moi Naam. Qui pourra le sauver le jour où il y aura deux bergers comme moi? Ensuite, le prophète a dit, moi je crois en cela. Je crois qu'un berger, qu'un loup a parlé à un berger. Et il a dit, et Abu Bakr croit en cela, et Omar croit en cela. Naam. Écrivez-moi numéro 1. De toute façon, alhamdoulilah, quand quelque chose vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne doit avoir aucun doute. Naam. Est-ce que c'est étonnant qu'une vache parle ou là, qu'un loup parle. Et Allah Ta'ala n'a-t-il pas dit dans le Coran que la fourmi a parlé? Il n'a pas parlé du hudhud, de l'oiseau avec la pie, ou là comment ça s'appelle, le hudhud, qui a parlé avec Suleyman. Et comme ça. Donc ce n'est pas étonnant pour nous. Naam. Et à la fin du monde, n'a-t-il pas dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam que les animaux, on va les entendre parler, que les souliers vont parler, que notre cuisse va parler, et comme ça, subhanallah al-azim. Donc, ce n'est pas étonnant. C'est étonnant pour qui? Pour quelqu'un qui n'a pas de la foi. Pour quelqu'un qui n'a pas de la foi, il va pas croire. Comment cela? On n'a jamais entendu un oiseau qui parle. Comment ça? Une vache qui parle, c'est impossible. Mais nous, les croyants, on sait qu'ils vont parler et il y aura d'autres choses beaucoup, beaucoup, beaucoup plus étranges. Beaucoup, beaucoup plus étranges. Non, que le fait qu'un animal parle. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith 2873. Il a dit Alors qu'un homme marchait dans un sentier et qu'il avait très très soif. Il a trouvé un puits, il y est descendu, hein, pour retirer de l'eau. Il a bu, ensuite il est sorti du puits. En sortant du puits, il a trouvé un chien en train de, disons, d'halter, naam, ya'kulu thara min al-atash, en train de manger de la boue, tellement il avait soif. Vous savez, la boue, au moins, quand il y a un peu d'eau, c'est humide. Le chien mangeait de la boue, tellement il avait soif. Faqal, laqad balagha hadh al-kalb min atashi, mithlu alladhi balagha bi. Il a dit, ce chien a, yani de la soif, a un degré de la soif, exactement comme le degré que j'en avais moi. فقال نعم alors qu'est-ce qu'il a fait فنزل البير il est descendu dans le puits il a rempli ses souliers ثم امسك بفيه نعم ensuite il lui a donné à boire ensuite il a mis le soulier dans entre ses dents نعم comment qu'il peut monter le puits il peut pas l'escalader avec un soulier il peut pas escalader avec une seule main il a mis le soulier entre ses dents نعم ثم raqiya ensuite il est monté le puits n'am fasaqa al-kalb il a donné à boire au chien fa shakara Allah fa ghafara lahu n'am wa fi kulli dhati kabidin Ratbatin ajra. Naam. Ensuite, parce qu'il a donné un chien, Allah subhanahu wa ta'ala, naam, lui a remercié cette action et lui a pardonné. Et le prophète sallam ensuite l'a dit, dans toute créature, naam, qui est vivante, qui a de la vie, vous avez des récompenses si, bien sûr, vous vous comportez bien avec elle, vous lui donnez à manger, etc. Naam. Ce hadith que je viens de citer se trouve avec une autre version véridique, sahiha, toujours dans Sahih al-Jami', que une femme aussi, une femme, et c'était spécialement une femme de joie, naam, de Benou Israël, au temps de Moïse, une femme de joie, subhanallah al-Azim, a fait la même chose. Et est descendu dans le puits, a donné à boire à un chien, Allah Ta'ala lui a pardonné ses péchés. Lui a pardonné quoi? Subhanallah al-Azim, faisait les grands péchés, la fornication. C'est pas Allah faisait comme ça en cachette. Allah faisait comme travail, subhanallah al-Azim. Et Allah Ta'ala lui a pardonné à cause de quoi? Un sale animal, le chien qui a la salive souillée. Subhanallah, le sale animal, à cause de cela, Allah Ta'ala lui a pardonné, subhanallah al-Azim, à cause d'un chien. Regardez comment la rahma, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, que comment jamais une personne ne doit dire à quoi ça sert de faire cette chose, elle vaut rien. Non, cette chose qui pour toi ne vaut rien, elle peut te sauver demain de l'enfer. Cette chose qui te paraît rien, elle peut te sauver demain de l'enfer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit dans le hadith sahih, n'a-t-il pas dit éloignez-vous de l'enfer même en donnant une demi-date? Vous voyez la date? Quand je l'ouvre comme ça, je l'ouvre avec mes deux mains. Naam, ça donne deux moitiés. Ça, cette moitié, si jamais tu peux la donner à qui? À quelqu'un, à un pauvre, donne-la lui. Ne dis pas ça vaut rien. Naam, un grain de raisin, donne-le. Ne dis pas c'est rien un grain. Je dois lui donner un kilo de raisin, c'est pas la peine. Je dois lui donner une grappe, ou c'est pas la peine. Non, donne-lui un grain aussi. Ce grain peut te sauver demain. Allah Ta'ala n'a-t-il pas dit وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Quiconque fait un bien, ne fût-ce que d'un atome, il le verra. Non seulement tu le verras, mais il rentrera dans ton compte. Il rentrera dans ton compte. Et qui te dit que demain, Allah Ta'ala ne te dira pas tu devais rentrer au paradis, mais il te manque une récompense. Hassan, il te manque une. Essaye de trouver cette récompense. Tu penses que demain, il y a quelqu'un qui peut te donner une récompense? Peut-être que tu penses que ton père ou là, ton mari ou là, ton fils, il va te donner une récompense. Jamais, jamais. Il dira nefsi. Même si là, si l'on a en plus, on va lui dire tu en as en plus, là, tu vas rentrer au paradis. Il va dire non. Mais plus j'en ai, puis je vais monter dans le paradis. Moi, je veux pas être au premier étage. Je veux être au dixième, au centième, s'il est au centième. Je veux pas être au centième. Je veux monter au 200, 300, plus haut. Naam. Je veux pas rester en bas. Subhanallah al-Azim. Donc, quand une personne a les moyens de faire quoi? De faire les hasanats, faut pas qu'elle dise, ah, ça c'est rien. Ce petit rien, avec ce petit rien et ce petit rien, ça donne une montagne. Ça donne une montagne demain devant Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith 2881, al-birru ma sakanat ilayhi al-nafsu, wa tma'anna ilayhi al-qalbu, wal-ithmu ma lam taskun ilayhi al-nafsu, wa lam yatma'inna ilayhi al-qalbu, wa in aftaka al-muftun. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith, naam, il parle de al-birr, si je crois la piété, naam, si je crois la piété, il dit, naam, ma sakanat ilayhi an-nafs, c'est ce qui rend ton âme soulagée, naam, et watma'anna ilayhi al-qalb, et tu sens ton cœur tranquillisé. Subhanallah al-Azim. Regardez, quand on fait une bonne action, par exemple, on l'a fait sincèrement, on l'a fait fisabilah, on l'a fait sans ostentation, et on sait que personne ne nous a vu, on l'a fait fisabilah, on sent les larmes qui veulent couler, des larmes qui veulent couler des yeux. Naam, on sent le la poitrine qui s'est mashallah ta'ala ouverte. On sent le cœur qui bat. Naam. Ça c'est quelque chose que tu sens en ton cœur. En toi-même, tu sens que mashallah, tu te sens déjà mashallah, tu sens le cœur apaisé. Tu sens yani Allah ta'ala descend la sakina, la quiétude en ton cœur. Subhanallah l'azim. Et ensuite il a dit wal ithmu, et le péché, le mal, naam, les choses qui ne sont pas bien, le mal, madam tiskun ilayhi nafsu wa lam yatma'in ilayhi qalbu, c'est la chose qui fait de sorte que ton âme ne devienne pas tranquille, naam, et tu sens que ton cœur n'est pas apaisé. Vous remarquez que des fois on fait une chose, on se dit non, c'est halal, et tu sais en temps fort intérieur, tu sais que c'est haram. Non, tu sais. Hein, tu vois deux dalils, ce dalil est plus fort. Ce dalil est plus fort et penche vers le haram. Et un deuxième dalil qui va vers le halal, mais il est moins fort que l'autre. Toi, tu dis, moi, je prends avec le deuxième dalil. Ça ne fait rien, il y a un deuxième dalil. Et tu prends avec le deuxième dalil et tu sens que dans ton cœur, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ici « وَإِنْ أَفْتَكَ الْمُفْتُونَ » Naam, وَإِنْ أَفْتَكَ الْمُفْتُونَ. Même si tu vas chez le savant, il te dit « Voilà la fatwa, c'est telle et telle chose. » Mais seul toi, tu sais que dans ton cœur, naam, ce n'est pas vraiment comme a dit le mufti. Car je ne lui ai pas raconté à 100% ce qu'il fallait raconter. Comme ça font certaines personnes. Elle te pose la question, la personne te pose la question, mais elle fait de sorte que elle te vient avec des phrases et des mots en sautant d'autres choses, hein, comme si elle te poussait à dire, dis-moi c'est halal, dis-moi ça se fait, dis-moi c'est possible, dis-moi tu n'es pas divorcé. Hein, c'est comme si elle disait au mufti, dis-moi que ça se boit, dis-moi que ça se mange. Naam. Elle te cache des choses. Elle te cache un mot. Si elle te l'avait dit, tu aurais changé la fatwa. Naam. Alors maintenant, en te cachant le mot, toi tu lui as dit, naam, ça se fait. Fais cette chose. Et elle va la faire. Mais dans son cœur, elle sent que c'est haram. Subhanallah. Elle sent, naam. Le haram, le halal bayin, ou le haram bayin, comme a dit le prophète, alayhi sallam. Il a dit le halal. Est clair, le haram est clair. Naam. Vous ne remarquez pas par exemple que tellement le halal c'est clair et le haram c'est clair, vous ne remarquez pas que si tu as une assiette, tu as devant toi une assiette pleine de sardines. Naam. Et il y a devant toi un chat à un mètre assis en train d'attendre que tu lui jettes quelque chose. Tu lui jettes une sardine, qu'est-ce qu'il fait? Il vient la prendre et il reste devant toi à un mètre en train de la manger. Puis dans la deuxième, il reste devant toi juste un mètre, deux mètres et il la mange. Maintenant, si jamais tu pars à la cuisine, ramener quelque chose, ramener de l'eau. Et il profite de l'occasion, il te prend une sardine. Est-ce qu'il reste à un mètre devant toi en train de la manger? Jamais. Il va sauter le mur et sortir de la maison pour la manger dehors. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est haram. Il sait qu'il a fait une faute. Ah, c'est haram. Quand tu lui as donné, c'était halal. Maintenant qu'il a volé, c'est haram. Il ne va pas manger devant toi. Le chat, il sait. Le chat, il sait le halal, le haram. Comment? Yani, le musulman ne sait pas. Non. Tayyib. On va passer, inshallah ta'ala, à notre hadith. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans le hadith 2888. Non. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit al-batmu wal-gharqu shahadatun. Il a dit si quelqu'un meurt avec une maladie au ventre ou bien il meurt noyé, il a dit c'est un shahid. Naam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré que les shuhada, il y en a beaucoup, 7 ou 8. Naam. Celui qui meurt avec le ventre, la femme qui meurt dans l'accouchement, naam, celui qui meurt noyé, celui qui meurt sous sous l'effondrement. Naam, celui qui meurt dans une maison qui se brûle. Naam, brûlé. Et comme ça. Tayyib. Tout cela sont des shahids, à condition bien sûr que yani, la chose qui a été la cause ne soit pas haram. Par exemple, la femme qui accouche, il faut que ça soit d'un accouchement de halal. C'est pas, elle a fait la zina, ensuite en accouchant, elle est morte. Celle-là, c'est Allah Ta'ala qui l'a déjà châtiée dans la vie avant l'au-delà. On parle d'une femme normale avec son mari, ensuite elle est morte en accouchant. Non. On parle de quelqu'un qui a eu une maladie dans son ventre et il est mort. Une maladie qui n'est pas venue, par exemple, de parce qu'il a beaucoup bu l'alcool. Toute sa vie, il a bu l'alcool, il a eu les intestins brûlés, il est mort. On ne parle pas de celui-là. Jazakumullahu khairan. Naam. Al-gharaq. Al-gharaq. Quelqu'un qui se noie. Naam. Il est, je ne sais pas, par exemple, parti dans un bateau ou bien sur une barque pour pêcher, ou bien il est là en train de nager et il est mort. Mais non pas celui qui, par exemple, prend le bateau pour aller, je ne sais pas, passer la Noël. Il dit, je prends le bateau pour aller passer la Noël, je ne sais pas où, aux États-Unis ou là. Et le bateau sombre. Celui-là, il n'est pas shahid. Naam. Et aussi, il ne rentre pas dans le shahid, celui qui va à la plage, où il y a les femmes et les hommes mixtes et presque nus. Ensuite, il rentre dans l'eau, je ne sais pas, pour leur montrer qu'il sait nager, et il va s'éloigner pas, et il ne va pas pouvoir revenir. Il va mourir. Naam, celui-là, ce n'est pas un shahid. Naam. Tayyib, ça me rappelle une chose. Je vous ai dit que l'effondrement, le fait de mourir dans un tremblement de terre, etc., par exemple, la maison s'effondre, celui qui meurt ainsi, meurt bi'idhnillah azza wa jal, shahid. Tayyib. Une fois, on raconte qu'une personne était adossée à un mur. Une personne était adossée à un mur. Ensuite, il y a quelqu'un qui vient à cette personne et lui dit « Lève-toi, lève-toi, lève-toi !» Et l'autre personne, yani, s'est vite levée. Allahu Akbar, qu'est-ce qui se passe? Juste elle s'est levée, le mur s'est effondré. Ensuite, quand elle a vu le mur s'effondrer, elle a dit « Alhamdulillah, Alhamdulillah, Jazakallahu khayran, Barakallahu fik, pour m'avoir aidé, subhanallah al-adim, si tu m'avais pas dit « Lève-toi », alors le mur se serait effondré contre moi. Jazakallahu khayran. Puis-je savoir qui tu es ?» Il a dit « Moi, c'est le shaitan. » Ah, il lui a dit « Non, c'est pas possible. Tu n'es pas le shaitan. Pourquoi ne suis-je pas le shaitan ?» Il lui dit « C'est très simple. Le shaitan, non, prend le mal. Et toi, tu m'as prôné le bien. Tu m'as sauvé ma vie. Subhanallah al-adim. Un shaitan me sauve la vie. C'est pas possible. » Il lui a dit « Si, je suis un shaitan. Mais toi, tu es un ignorant. » Car il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que quiconque meurt sous l'effondrement, il est shahid. Alors moi, j'ai remarqué que le mur allait s'effondrer sur toi. J'ai eu peur que tu meurs shahid. Alors je t'ai dit, lève-toi pour que tu ne prennes pas la shahada. Subhanallah, l'adim. Le shaitan, qu'est-ce qu'il fait? Regardez, naam. Tu lui as dit, je t'ai sauvé la vie. Tu crois que je t'ai sauvé la vie? Alors que je voulais pas que tu meurs shahid. Naam. Par jalousie, hasad. Je t'ai fait lever avant que le mur ne s'effondre et tu prennes la shahada. Je ne peux pas sentir que quelqu'un, subhanallah al-adim, meurt shahid. Naam. Tayyib, j'ai dit que quelqu'un qui va dans la mer, comme j'ai cité tout à l'heure, il n'est pas shahid s'il ne remplit pas les conditions. C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith authentique, il se trouve aussi dans Sahih al-Jama', il a dit, « Man rakiba al-bahra عند ارتجاجه فمات برئت منه الذمة أو برئت منه الذمة. Il a dit quiconque rentre dans la mer, c'est-à-dire ou bien prend la mer, c'est-à-dire prend un bateau ou une barque ou là, nager, ou bien il veut nager, alors que la mer est démontée, les grandes vagues, il a dit ensuite il meurt, celui-là, subhanallah al-adim, je me désavoue de lui. Ou bien l'islam se désavoue de lui. Subhanallah al-Azim, c'est grave. Naam, tu vois la mer démontée, les vagues qui font 5 mètres, et tu veux me monter la barque, et tu veux nager aussi. Si jamais tu meurs, c'est grave pour toi. Naam, c'est grave pour toi, tu t'es suicidé. Tu t'es suicidé, naam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith 2891, il a dit Al-Baytul Ma'mour, il y a une maison, je ne sais pas comment elle s'appelle en français, en arabe elle s'appelle Al-Bayt Al-Ma'mour. C'est une maison qui se trouve en haut, après le 7e ciel. Cette maison, elle est directement sur la Kaaba. Subhanallah al-Azim. Vous voyez la Kaaba en bas, naam, et il y a le Bayt al-Ma'mour qui est juste au-dessus. Au-dessus, mais très très loin, dans le 7e ciel. C'est pour ça que si quelqu'un venait à tomber, ou là un ange, ou là venait à tomber d'en haut, il tomberait sur la Kaaba. Il tomberait sur la Kaaba. Cette maison en haut, Al-Qalam, si tu es là, chauffe le Coran, le Bayt al-Ma'mour. Chauffe la traduction, c'est quoi le Bayt al-Ma'mour? La maison très fréquentée. Jazakallahu khairan. Barakallahu fik. La maison très fréquentée. Cette maison qui est juste au-dessus de la Kaaba. Comme j'ai dit, si quelqu'un tombait, il tomberait sur la Kaaba. C'est la Kaaba des anges en haut. C'est la Kaaba des anges en haut. Ici, le prophète, alayhi salallahu alayhi, qu'est-ce qu'il dit? Il a dit, elle se trouve au 7e ciel, il a dit Yetrouluhu, cette maison la rentre chaque jour, naam, 70 000 anges rentrent dans cette maison chaque jour, ensuite n'y reviennent jamais jusqu'à la fin du monde. Naam, imaginez, barakallahu fikoum, jazakumullahu khairan. Imaginez, si quelqu'un a une calculatrice qu'il essaye de nous compter, ou là un ordinateur qu'il essaye de nous compter, on va voir s'il peut compter. Depuis que Allah Ta'ala a créé cette maison, chaque jour, il y a 70 000 anges qui rentrent et jamais ils ne reviennent. C'est-à-dire chaque jour de nouveau. 70 000 nouveaux. Voilà ma question. On demande à Al-Qalam, il va nous faire les calculs très vite avec un stylo. Qalam, prend un stylo et compte depuis Adam jusqu'à la fin du monde, il y a toujours 70 000, combien ça nous donne? Allez, j'attends, inchallah ta'ala, la réponse. Qalam, depuis Adam, alayhi salam, depuis que Allah ta'ala a créé le Bayt Hada, chaque jour il y a 70 000 qui rentrent. Compte-nous jusqu'à la fin du monde, combien donc il y a d'anges? C'est sûr qu'il y a plus de 5 ou 6. Naam, allez, c'est une bonne réponse, il faut répondre comme ça. Il y a plus de 5 ou 6. Vous savez combien qu'il y en a? Imaginez, chaque jour 70 000. Imaginez, 70 000, ensuite 70 000, 140 000, ensuite 70 000, jusqu'à la fin du monde. Combien ça va donner de millions et de milliards? C'est pour ça que Allah Ta'ala, en parlant de ces soldats, qu'est-ce qu'il a dit? وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّهُ. Et ne connaît ces soldats que lui. Ah, personne ne peut ni les connaître, ni connaître leur quoi? Leur nombre. Subhanallah al-Azim. Subhanallah al-Azim. Naam. Al-Qalam ne nous a pas donné de réponse. Maadish. Je crois que son ordinateur, quand il a commencé à calculer, il s'est brûlé. Hein? Il s'est brûlé l'ordinateur. Naam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith 2893. Tu ris, hein? Naam. On voit la fumée qui monte. Devant ton pseudo, il y a la fumée. D'ailleurs, dans le hadith 2893. Qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Pardon, pour corriger, 2894. Il a dit, Al-bay'an bil-khiyar, ma lam yatafarraqa, illa an takuna safaqata khiyar, wa la yahillu lahu an yufariqa sahibahu khashyata an istaqila. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré dans ce hadith que quand deux personnes se vendent, une personne vend à l'autre. Il a dit, ils sont dans le choix. Ils sont dans le choix tant qu'ils ne se sont pas séparés. Naam. Quand je suis avec le vendeur qui me vend quelque chose, il me l'a vendu par exemple. Supposons, un livre. Je lui dis combien? Il me dit par exemple, disons, 10 euros. Je lui ai donné 10 euros, je suis toujours avec lui. J'ai ouvert le livre, j'ai lu quelques le titre, etc. Ça. Ensuite, je change d'avis. Non, je change d'avis. Il lui dit, Jazakallahu khairan, je prends pas. Est-ce qu'il peut ne pas accepter? Oh, j'ai vendu, khlas, j'ai vendu. Le hadith que lui dit? Il lui dit, non, il a le choix. Pourquoi? Vous ne vous êtes pas encore séparés. Vous ne vous êtes pas encore séparés. Donc, le hadith est très clair. Tant que on ne se sépare pas, je peux rendre, je peux rendre. Naam. Salam Tobarak. Il a dit, illa antakuna safarat khiyar. Illa antakuna safarat khiyar. Sauf si, en achetant, je donne au vendeur une condition. Je lui dis par exemple, je vais réfléchir 15 jours. Naam. Ça veut dire que pendant ces 15 jours, bien sûr, si lui il accepte, pendant ces 15 jours, je peux lui rendre ma marchandise. Et il doit me rendre aussi. Naam, il doit me rendre. Donc il est permis en islam, quand j'achète quelque chose, je fais une condition. Je lui dis, je l'essaye un mois. Naam, je l'essaye deux mois. Et comme ça. Naam, si maintenant ça ne marche pas, je dois lui rendre, je lui rends et il doit accepter sa marchandise. Sauf bien sûr, si je lui casse des choses, etc., il doit prendre l'équivalent des choses que j'ai cassées. Je lui casse les phares de la voiture, je lui crève les roues, etc. Ça, je dois, il prend, il y a un équivalent. Naam. وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةً يَسْتَقِلَهُ. Il a dit, il n'est pas permis en islam, quand tu vends à quelqu'un une chose, de faire quoi? De faire en sorte de le quitter. Avec la niya de quoi? Avec la niya de clore la vente. Car quand on se quitte, la vente est terminée. Donc qu'est-ce que je fais? Dès qu'il me donne par exemple une chose ou là je lui donne une chose que je veux lui vendre et je m'éloigne de lui. Comme ça, alhamdoulilah, il est obligé d'acheter. Il a dit ça, la yahin, c'est haram. C'est haram. Naam. Il doit attendre jusqu'à ce qu'il parte de lui-même. C'est pas qu'il lui fait une ruse pour faire du wasmo, de cette vente, une vente yani terminée. Naam. Et dans le hadith qui suit, jusqu'ici 2896, le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam a dit, El bay'an bil khiyar ma lam yatafarraqa. Il a dit, El bay'an bil khiyar ma lam yatafarraqa. Les vendeurs, disons le vendeur et l'acheteur, sont dans le choix. Tant qu'ils se sont pas séparés, ensuite regardez qu'est-ce qu'il a dit, quelque chose de très important, il a dit, Fa in sadaqa wa bayana, burika lahuma fi bay'ihima. S'ils sont véridiques, ils n'ont pas menti. Et Bayana, deux conditions. La deuxième condition, c'est quoi? Ne pas cacher les défauts. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Burika lahuma fi bay'ihima. Alors, Allah Ta'ala va te faire descendre la bénédiction dans ta vente et dans ton achat. Celui qui a vendu, a pris de l'argent, avec ce peu d'argent, Allah Ta'ala va descendre la bénédiction et il va acheter beaucoup, beaucoup de choses avec cet argent. Et cet argent va durer peut-être des mois et des années, ça ne se termine pas. Et celui qui a acheté la voiture ou la chose, Allah Ta'ala va lui faire une bénédiction sur cette marchandise, elle va rester des années, elle ne se casse pas cette chose. Elle ne se perd pas, etc. Subhanallah. À condition de quoi? Deux choses. Ne pas mentir. Et combien il y a de menteurs de nos jours dans les ventes? Et combien il y a de trafiquants? Naam. Et ça me fait rire, je me suis rappelé une chose. Bayana, ne pas cacher les défauts. Ne pas cacher les défauts. D'ailleurs, même dans la mosquée, la fois passée, je les ai fait rire. Naam. Pendant ce ramadan, j'ai acheté une pastèque. Est-ce qu'on dit une pastèque ou la un? Je ne sais pas. Ça fait longtemps que je n'ai pas employé ce mot. El Moem. D'accord, j'attends que vous me dites une. Alhamdulillah. J'ai acheté une pastèque. Masha'Allah, tellement yani, grande et lourde, subhanallah al-azim, que wallah al-azim, j'ai trouvé des difficultés à la faire rentrer, yani, à la prendre et à la faire rentrer. Yani, ce n'est pas le genre de pastèque qui est rond comme un ballon. C'est un genre de pastèque, je ne sais pas s'il y a chez vous, qui est comme le ballon de rugby, c'est-à-dire pas rond. Un ballon de rugby qui est comme, disons, un œuf ou là, qui va comme ça, yani, de droite à gauche, ce n'est pas quelque chose de rond et qui pèse je ne sais pas combien, peut-être 6 kilos, peut-être 8 kilos, je ne sais pas, tellement grand, c'était pas pour moi, on était des amis. elle était posée par terre, naam, et masha'Allah, yani, quand je l'ai vu, j'ai dit masha'Allah, je l'ai acheté. Et quand je suis rentré avec, je l'ai montré aux amis, naam, ils ont fait quoi? Ils l'ont renversé. Ils l'ont renversé de l'autre côté, du côté bas, naam. Et subhanallah, elle avait un grand trou, et subhanallah, j'ai bien ri ce jour-là, ils ont bien ri, ils m'ont dit subhanallah, yani, on ne peut pas dire que je suis intelligent, là, je suis ceci, là, je suis cela. Il y a toujours un trafiquant qui connaît mieux que toi les ruses. Naam. Moi, quand j'ai vu comme ça, ça m'est jamais venu à l'esprit que de l'autre côté, d'en bas, elle avait le trou, là, elle était, yani, je ne sais pas comment on dit, yani, malade. Naam, subhanallah, de toute façon, on a ri. Naam. J'ai dit, maintenant des gens, ils connaissent les défauts. Ils connaissent les défauts dans la voiture et ils cachent. Pire que cela, ils jurent par Allah que la voiture n'a pas de défaut. Ils te voient un portable, ils savent que sa batterie, la batterie du portable est bousillée. Naam, elle ne charge pas. Il te dit, je jure par Allah que ce portable n'a pas de défaut. Je jure par Allah que la voiture n'a aucun défaut. Et il sait que, subhanallah al-azim, cette chose et cette chose dans la voiture, yani, c'est grave. Et il te dit, je jure par Allah que, alhamdoulilah, elle est bien et qu'elle n'a aucun défaut. Comment voulez-vous que cette personne, que Allah Ta'ala lui donne la bénédiction? Comment voulez-vous que cette personne qui va prendre de l'argent, yani, contre la voiture qu'elle a vendue, comment voulez-vous qu'elle va gagner avec cet argent? Wallahi al-ali al-azim, qu'elle ne gagnera pas. Et que, la moitié de cet argent, elle l'achètera des médicaments. Que Allah Ta'ala lui donnera une maladie. Naam. Pour avoir trafiqué et menti. Et ne pas avoir montré les défauts. Naam. Et l'autre moitié, ou le quart, ça va lui être volé. Ou bien il va être payé. Naam. Dans les impôts et comme ça. Il ne va pas profiter de cet argent. Et, alayhi salatu salam, a dit, quiconque montre les défauts. Ne cache pas. Et quoi? Et ne ment pas. Deux conditions. Qu'est-ce que ça va se passer? Allah Ta'ala, boulika l'homme. Allah Ta'ala va te faire descendre la bénédiction. Ma'alish. Au lieu de vendre avec, par exemple, la chose à 1000 euros, je l'ai vendu seulement à 700. Pourquoi? Parce que je lui ai dit les défauts qu'il y avait. Il m'a enlevé 300 euros. Mais les 700, je vais faire des projets avec ces 700 que je ne vais pas faire avec les 1000. Si j'avais menti, j'avais pris 1000, j'aurais pas pu faire le projet, mais avec 700, je vais le faire. Subhanallah al-Azim. Pourquoi? Parce que Allah Ta'ala a fait descendre, quoi? A fait descendre la bénédiction. Astaghfirullah toujours. Quand on commence, Inch'Allah Ta'ala, les questions, admin. Tayyib. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith 2898. Bi'idhnillah. Subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est un hadith très important. Il faut bien écouter le hadith que je vais dire maintenant et le bien, yani, le comprendre aussi. Naam. Et bien le comprendre. Naam. Beaucoup de gens, yani, font une faute très grave. La faute que je vais citer, inshallah ta'ala, dans ce hadith. Quelqu'un est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit, ma femme a fait la zina. Ma femme a fait la fornication. Il lui a dit, ma femme a fait la fornication. Que lui a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il lui a dit, al bayinato. Alors, je vous ai dit le hadith, 2890. Il lui a dit, al bayinato, wa illa fahaddun ala dhahrik. Le prophète alayhi wa sallam lui a dit, la preuve, donne-moi la preuve, ou bien, on va quoi? On va te fouetter 80 coups de fouet. Subhanallah al-Azim. Il lui a dit, ma femme a fait la fornication. Je connais moi ma femme. Je l'ai trouvée avec un homme. J'ai ouvert la porte, je l'ai trouvée avec un homme. Il lui a dit, les preuves, la preuve. Ou bien, 80 coups de fouet. C'est quoi la preuve? Tu vas m'amener 3 autres hommes, fiables et intègres. Hein? C'est pas des hommes qui boivent de l'alcool, qui font pas la prière. Des hommes connus par leur piété. Non? Qui vont tous attester et témoigner qu'ils ont vu tel homme avec la description. Ils ne doivent pas se tromper car chacun va être pris seul dans une chambre. On va lui dire, qu'est-ce que tu as vu? il dira, j'ai vu un homme. On lui dit, comment qu'il est? Il va dire, blanc de peau. Comment qu'il était habillé? Une veste noire et un blue jean. Naam. Et elle, elle était comme ça. Qu'est-ce que tu as vu? Vous savez qu'est-ce qu'il doit dire? Il doit dire, j'ai vu, disons comment c'est, le membre de l'homme à l'intérieur du membre de la femme. S'il dit, j'ai vu en train de l'embrasser, ou là j'ai vu comme ça, il était sur elle, mais je ne sais pas qu'est-ce qui se passait, ou bien il l'enlaçait, ou bien il va recevoir 80 coups de foudre. Pire encore, les quatre vont recevoir 80 coups de foudre. Il faut que les quatre personnes, pour que quelqu'un dise en islam, une femme a fait la zina, il faut qu'il y ait quatre témoins fiables, intègres, pieux, et les quatre témoins disent la même chose. Si une seule personne se trompe, dit par exemple, j'ai vu son membre qui était à l'intérieur du membre de la femme et ils étaient debout. Et l'autre, il dit, ils étaient assis ou là, ils étaient couchés. Les quatre, ils vont être quoi? Ils vont être fouettés. Tellement c'est grave. Maintenant, de nos jours, comme ça, c'est comme s'il chantait. Il te dit, X, c'est une zania. Y a fait la zina. Mon voisin fait la zina. Ton voisin fait la zina. Subhanallah l'adim. Il te dit, oui, j'ai vu une femme rentrer chez lui. Et tu vois une femme rentrer chez lui, il a fait la zina. Ça suffit pas. Car, quand elle est rentrée chez lui, peut-être seulement pour l'embrasser, je ne sais pas, faire des choses avec ses mains, etc. Il n'a pas fait la zina. Qui t'a dit qu'il a fait la zina? Qui t'a dit? Peut-être qu'elle était dans les menstrues, peut-être, je ne sais pas, peut-être qu'elle n'accepte pas. Il y a des femmes qui acceptent, tu fais tout sauf la zina. Qui t'a dit là? Et ensuite, si tu l'as vu, elle a fait la zina. Tu as trois autres avec toi pour pouvoir dire cette chose. Subhanallah l'adim, c'est grave. Allah Ta'ala a dit, فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَذِبُونَ. S'ils ne viennent pas avec les témoins, ceux-là, chez Allah Ta'ala, ce sont les menteurs. Est-ce que, dites-moi, des gens, ils voient quelqu'un avec une femme enlacée dans un jardin, il dit, j'ai vu X en train de faire la zina. Bien sûr, il dit, pourquoi? Il n'y a pas d'islam maintenant. Laisse-le dire. Il n'y a pas la charia. S'il y avait la charia, il aurait vu que ça veut dire cette phrase. Non, tu peux dire, j'ai vu une femme avec un homme embrassé, en train de s'embrasser. Il ne dit pas, ils étaient en train de faire la zina, c'est grave. Subhanallah. Celui-là, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit à Rasulullah, ma femme a fait la chose. Il lui a dit, donne-moi les preuves, c'est-à-dire va ramener trois hommes qui ont vu ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est pas vu en train de s'embrasser. Vu le couple nu avec ceci, cela. Naam. Au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, exactement comme le crayon noir qui rentre, il a dit qui rentre dans le mukhala. Le mukhala, c'est la femme quand elle fait le kuhl, elle fait le kuhl dans ses yeux. La femme, quand elle veut se noircir les yeux, elle a quelque chose comme ça qui est un petit truc où il y a le noir à l'intérieur et il y a une sorte de bâton, une sorte de chose en fer, hein, qu'elle fait sortir et elle le met dans ses yeux. Vous voyez comment ça s'appelle le truc comme ça où il y a le noir, quelque chose en fer comme ça, comme un petit vase. Un petit vase et à l'intérieur quoi? À l'intérieur une tige comme ça, une tige qu'elle fait sortir. Le prophète Aslan, il a dit, il faut que tu vois comme la tige, non, il a dit, il faut que tu vois comme la tige qui rentre dans le truc où il y a le noir, où il y a le noir qu'on met dans les yeux. Est-ce que quelqu'un peut voir une chose pareille? Alors il lui a dit, donne-moi la preuve ou bien je vais aller te fouetter. Qu'a dit cet homme, le compagnon, radiallahu ta'ala anhu? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, qala, ya Rasulullah, idha ra'a ahaduna rajulan ala imra'atihi yaltamisu al-bayyina. Il lui dit, ya Rasulullah, si quelqu'un voit un homme sur sa femme, il va chercher la preuve, il va chercher les hommes. Moi je le vois, il est là avec ma femme. Il est au-dessus d'elle. Je vais chercher la preuve. Il y a pas, ça suffit pas. Qu'a dit le professeur Zan? Il lui disait à chaque fois, El Beyina, la preuve ou bien je te fouette. Ya Rasulallah, je l'ai vu de mes propres yeux. Un homme, il était au-dessus d'elle. La preuve ou bien je te fouette. Subhanallah al-Azim. Hatta nazala, Il lui a dit à Rasulullah, si quelqu'un voit quelqu'un avec sa femme, il les, subhanallah, ça suffit pas, il va chercher des preuves. Et le prophète sallam de répéter, la preuve ou bien je te fouette. Alors Allah Ta'ala fait descendre un verset. Que dit Allah Ta'ala dans ce verset? Et quant à ceux qui lancent des accusations contre leurs propres épouses, sans avoir d'autres témoins qu'eux-mêmes, alors le témoignage de l'un d'eux doit être une quadruple attestation par Allah qu'il est du nombre des véridiques. Et la cinquième, que la malédiction soit sur lui s'il est des membres des menteurs. Donc, conclusion. Apprenez bien cette chose. Jazakumullah khairan. En islam, toute femme, tu dis d'elle, elle a fait la zina et tu ne rapportes pas quatre hommes. C'est pas quatre femmes. Tu rapportes quatre hommes, naam, et pas n'importe quel homme. S'il y a un homme, l'un des quatre, a une bague en or, on lui dit va jouer toi. Tu témoignes pas. Un des quatre hommes n'a pas la barbe, on lui dit va jouer. Ça, on ne prend pas ta shahada. Sauf s'il est un berbe, bien sûr. Quatre hommes pieux, qui ne mentent pas, connus par leur salat dans la mosquée, etc., qui vont témoigner qu'ils ont vu le truc rentrer dans le truc. Non. Sinon, s'il dit j'ai seulement vu qu'il embrassait, qu'il faisait ceci, on va les fouetter les quatre. Parce qu'ils sont trois seulement. Ils sont devenus trois. On va les fouetter les quatre. Donc les quatre doivent être unanimes et ne pas se tromper. Et bien sûr, s'ils ont vraiment vu, ils ne peuvent pas se tromper. Et encore, ils ont peur. Ils ont dit, si jamais on se trompe, si jamais quelqu'un, il va dire, ils étaient sur le côté gauche alors qu'ils étaient sur le côté droit. Ils ont peur. C'est pour ça qu'ils ne vont pas parler. Naam. Donc c'est comme ça en islam. Sauf, si quelqu'un c'est sa femme, A'udhu Billah, qui a fait comme ça. Si quelqu'un c'est sa femme qui a fait comme ça, maintenant, comme a dit ce compagnon, comment vais-je faire? Je vais dire à l'homme, reste comme ça, jusqu'à ce que je vais ramener trois témoins de la mosquée, pour qu'il voit. C'est pas possible. Donc Allah Ta'ala a allégé. Qu'est-ce qu'il a donné comme hukm? Il a donné que cet homme va chez le juge et lui dit, je fais le moula'ana. Naam. Je vais jurer ici, devant vous et devant les gens, naam, qu'elle a fait cette chose. Alors le juge lui dira, d'accord, ramène aussi la femme. Elle va venir, et devant les gens qui écoutent, il va commencer par l'homme. Il lui dit, commence-toi. Il va jurer, il dit, Ashhad billah al-ali al-azim, je témoigne par Allah subhanahu wa ta'ala le Tout-Puissant, quatre fois il va dire, que je suis des véridiques, que ce que je dis est vrai. Je témoigne par Allah le Tout-Puissant, que ce que je dis est vrai. Je témoigne que ce que je dis est vrai. Je témoigne par Allah le Tout-Puissant que ce que je dis est vrai. Ensuite, il ajoute la cinquième. Et je témoigne par Allah, et que si je suis un menteur, que la malédiction d'Allah Ta'ala soit sur moi. Ensuite, il se met de côté. Khlas. Tfadal. Bien de côté. Toi, on parle à la femme. Toi, tafadal. Fais la même chose que lui. Subhanallah. Alors, elle aura le choix entre deux choses. Comment? Ou bien, elle va jurer comme lui. Quatre fois, elle va témoigner. Ashhad, quatre fois. Que ce qu'il a dit, c'est un mensonge. Que ce qu'il a dit, c'est un mensonge. Que ce qu'il a dit, c'est un mensonge. Que ce qu'il a dit, c'est un mensonge. Et la cinquième, que la colère de Allah Ta'ala soit sur moi si j'ai menti. Elle choisit entre ça ou bien de ne pas vouloir témoigner. Elle dit non, je témoigne pas. Témoigner? Non, je témoigne pas. Témoigner comme lui? Non, je témoigne pas. Et dans ce cas, on va la fouetter. Non. Et puisque elle a, pardon, on va pas la fouetter, puisqu'elle est déjà mariée, elle va être lapidée. Ça veut dire elle a fait la zina. Non. Si elle n'avait pas fait, alors qui l'empêcherait? Qu'elle jure, c'est tout. Elle témoigne, c'est tout, quatre fois, et elle va chez elle. Qui l'a empêchée? Non. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a rapporté l'épouse de celle-là, ils ont commencé. L'homme a attesté quatre fois, et la cinquième, que la malédiction soit sur lui. Ensuite, la femme a attesté quatre fois, et la cinquième, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur disait, comme ça au milieu, il leur disait, Allah Ta'ala sait que l'un de vous est un menteur. Dites la vérité, dites, Allah Ta'ala sait que l'un de vous est un menteur. Regardez, le prophète alayhi wa sallam, lui-même ne peut pas savoir qui est le menteur. Naam. Et regardez la sagesse de l'islam. Subhanallah l'adim. Quand le couple fait comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Khlas, on va séparer entre eux, ils ne vont jamais, au grand jamais, pouvoir se remarier. La première des choses. Khlas, elle, elle va chez sa maison, elle va chez ses parents, lui va chez lui. À jamais, il ne peut plus redemander sa main. Deuxièmement, s'ils ont un garçon, là, qui va naître, ou là, pardon, un bébé ou là, il suivra sa mère, il suivra pas le père. Troisièmement, et voilà le plus intéressant, troisièmement, si une personne, après avoir assisté, une personne, après avoir assisté à cette moula'ana, à ce, ces deux témoignages, va dire, après, hein, une semaine après, ou là, un mois, va dire, telle femme a fait la zina, en parlant de la femme qui a témoigné cinq fois. Celui-là, on va le fouetter 80 coups de fouet. Pourquoi? Naam. Où a-t-elle fait la zina? Elle a attesté cinq fois comme l'homme. Où est la preuve? Peut-être que c'est l'homme qui a menti. Ici. Il faut qu'il y ait un menteur. La Bouddha, c'est l'homme ou c'est la femme? Il faut qu'il y ait un menteur. Mais, qui sait? Seul Allah le sait. Seul Allah Ta'ala sait. Et la personne sait, c'est tout. Mais nous, on ne peut pas savoir. C'est pour ça qu'il est interdit de dire de cette femme qu'elle a fait la zina. Naam. Et voilà donc le jugement de la moula'ana en islam. Ça, c'est spécialement avec le mari, son épouse. Spécialement. Mais si c'est avec une autre femme étrangère, c'est très grave. Je l'ai montré que ça veut dire. C'est très très grave. Naam. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith 2905. Il a dit, j'entends que vous écriviez le hadith. Alhamdulillah. Il a dit, تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود. حرم الله عز وجل على النار أن تأكل أثر السجود. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, le jour de la rétribution, lorsque les gens seront en enfer, et bien sûr, vous savez que il y a des musulmans, beaucoup de musulmans qui vont rentrer en enfer. Ça vous savez, Naam. Il a dit, le feu ne mangera, Naam, du musulman que l'endroit où il n'y avait pas le wudu. Naam, que l'endroit où il n'y avait pas le wudu. Dans chaque membre où tu faisais passer de l'eau comme ça pour faire le wudu, Allah Ta'ala a interdit au feu qu'il te mange. Naam. Et il a interdit aussi aux francs d'être mangés par le feu. Parce que c'est le franc que tu poses quand tu fais la prosternation. Naam. C'est pour ça que lorsque les anges, Allah Ta'ala leur dira, allez sortir les croyants de l'enfer, Naam. Et ils vont rentrer, ils vont reconnaître les croyants, Naam, avec les parties qui n'ont pas été brûlées. Les parties qui n'ont pas été brûlées, Naam, bien sûr, des croyants qui faisaient la prière. Naam, qui faisaient la prière, Naam. Tayyib. Et il y a aussi un autre hadith qui n'est pas là, qui dit que Allah Ta'ala aussi a interdit à la terre de manger le corps de qui? Le corps des prophètes. Les prophètes et les messagers. Quand ils meurent, la terre, il lui est interdit, la terre et les vers de terre, bien sûr. Ils leur sont interdits de manger le corps d'un prophète. C'est pour ça. Si c'était possible, ce n'est pas possible, c'est interdit. Si c'était possible, on irait maintenant à Médine, dans la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ouvrirait, on le verrait sallallahu alayhi wa sallam comme yani, s'il était vivant. Naam. La terre ne peut pas le manger, ne peut pas manger un prophète ou un messager. Il reste intact. Mieux que cela, mais il n'y a pas de hadith, mais ça a été prouvé par l'expérience et le vécu des gens. Mieux que cela, même les shuhada, les martyrs, beaucoup de martyrs, la terre ne les mange pas. Il n'y a pas un hadith, parce que le hadith qui dit que ne mange pas les martyrs, c'est un hadith faible, ou alors forgé. Naam. Mais plusieurs fois, on a vu des gens, des martyrs, qui sont restés des années, naam, et on a voulu creuser la tombe pour yani, mettre un autre là, on l'a trouvé intact. On a trouvé le shahid intact. Mais comme j'ai dit, ce n'est pas avec tous les shahids. D'ailleurs, ça s'est passé au père de Jabir ibn Abdillah dans Sahih al-Bukhari. Quand on a le père de Jabir, Jabir ibn Abdillah, Abdullah, quand on l'a enterré, on a enterré avec une autre personne. Et son fils, Abdullah, Jabir ibn Abdillah, pardon, son fils Jabir, il est resté 6 mois avec yani, le cœur qui n'était pas apaisé. Il a dit, comment on a mis mon père avec une personne qui n'est pas pieuse, une personne disons dont j'ai des doutes. Il est allé après 6 mois, il a creusé la tombe, il a fait sortir son père et il l'a amené vers un autre endroit, une autre tombe. Le témoin c'est quoi? Il a dit, je l'ai trouvé intact. Non, parce qu'il est mort shahid, il est trouvé intact. Il a dit, sauf bien sûr les blessures qu'il avait. Je crois qu'il avait dit son nez qui était tranché ou bien son oreille. Naam, à cause de la blessure de la lance. Naam. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith 2911, il a dit, tablughu al-hidyatu min al-mu'min haythu yablughu al-wudu. Tablughu al-hidyatu min al-mu'min haythu yablughu al-wudu. Naam. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle des gens lorsqu'ils seront au paradis, parle des croyants lorsqu'ils seront au paradis. Vous savez que l'une des meilleures des choses qu'il y a au paradis, c'est que les hommes et les femmes sont égaux en ce qui concerne la parure. Naam. L'or, les chaînes, les bracelets, les gourmettes, toutes ces choses en or et je ne sais pas en quoi. Naam. L'homme aussi les a dans le paradis. Pour l'homme, c'est interdit dans cette vie. Mais au paradis, il en aura comme la femme ou plus. Naam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith, il a dit que Allah Ta'ala vous mettra la parure, les bracelets, etc. Naam. D'après votre wudu, d'après vos ablutions, où est-ce qu'elles arrivaient? C'est pour ça que Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, quand il faisait les ablutions et il arrivait au coude, il faisait monter encore haut jusqu'à ce qu'il soit à la moitié entre l'épaule et le coude. Et quand il faisait les jambes, il faisait monter plus de la cheville jusqu'au moitié du tibia. On lui disait pourquoi? Il a dit, comme ça j'ai vu le prophète alayhi salatu wasalam faire. Et il citait ce hadith. Et le prophète alayhi salatu wasalam a dit que le jour quand ils seront au paradis, ils auront les parures d'après leurs ablutions où sont arrivés. Celui qui a l'ablution jusqu'au coude, on le remplit de parures jusqu'au coude. Celui qui a un peu plus haut, on lui ajoute un bracelet. Un peu plus haut, on lui ajoute aussi une autre chose. Et comme ça, plus tu montes, plus tu as les bracelets, et plus tu as quoi? Plus tu as, enfin moi je dis des bracelets, c'est juste pour vous approcher l'idée, approcher le sens. Je ne sais pas exactement comment sont ces bracelets, etc. Le jour du jugement dernier. Naam. Maintenant je vais ajouter juste un hadith et m'arrêter inshallah ta'ala. Naam, je vais choisir un hadith de ces hadiths que j'ai devant moi. On a tellement le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Une seconde, inshallah ta'ala. J'avais un hadith ici. Je ne sais pas s'il est là. Il y en a tellement. Je vais dire le prochain au classe. Il a dit Tahajjati an-nar wal-jannah. 2919. Tahajjati an-nar wal-jannah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, on va s'arrêter inchallah dans ce hadith, a dit, le paradis et l'enfer ont fait la polémique entre eux. Hein? Ils, disons, une petite dispute, comme ça, ils ont commencé à parler. Naam. Faqalatin naru. L'enfer a dit, usirtu bin mutakabbirin wa mutajabbirin. Moi, on a mis en moi, je n'ai en moi que Mutakabbirin, ceux qui sont enflés d'orgueil, ou les tyrans, il n'y a en moi que les mutakabbirin et les enflés d'orgueil et les tyrans. Wa qalat al-jannah, alors le paradis a dit fa mali la yadkhuluni illa du'afa an-nas wa saqtuhum wa ajazuhum. Kaj, le paradis a dit, il a dit kaj moi, kaj, il n'y a en moi, ne rentre au paradis que les faibles et les pauvres et les âmes les plus faibles. Pourquoi cela? Subhanallah al-Azim. Faqala Allah azza wa jalla. Alors Allah ta'ala a répondu. Quand ils ont parlé comme ça, Allah ta'ala a répondu. Peut-être vous allez vous étonner. Vous allez dire le paradis parle, l'enfer parle. Naam. Vous ne savez pas que l'enfer parle. Vous lisez le Coran quand Allah ta'ala a dit وَيَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمْ هَلْ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ. Et le jour on dira à Jahannam, est-ce que tu es complète? Et elle dit, est-ce qu'il y a du rajout? Est-ce que tu rajoutes? Donc elle dit, est-ce qu'il y a du rajout? Elle dit, subhanallah al-azim, elle parle. Et dans le hadith sahih, que Allah ta'ala, lorsqu'on fera venir Jahannam le jour du jugement dernier, elle a dit quoi? Elle a une bouche pour parler, et un long cou qui sort de l'enfer et qui dit aujourd'hui mon problème c'est avec les mutakabbirin et les mutajabbirin. Naam, aujourd'hui mon problème c'est avec ceux-là. Subhanallah al-Azim. Donc Jahannam parle. Naam, et Jahannam voit. Elle a des yeux. Naam, et Jannah aussi parle. Et ici elle a parlé. Naam, donc Allah Ta'ala leur a dit. فقال الله عز وجل للجنة الله تعالى a dit au paradis qui s'est plaint. Le paradis s'est plaint. Il a dit pourquoi moi, il n'y a en moi que les pauvres, etc. Alors Allah تعالى lui a dit إنما أنت رحمتي. Toi tu es ma miséricorde. أرحم بك من أشاء من عبادي. Toi tu es ma miséricorde avec laquelle يعني, que j'emploie pour être miséricordieux avec mes serviteurs. نعم. وقال للنار ثم الله تعالى دي الانفر انما انت عذابي toi tu es mon châtiment اعذب بك من اشاء من عبادي je t'utilise pour châtier qui je veux de mes serviteurs ولكل واحده منكما ملؤها et chacune de vous aura يعني son plein chacune de vous son plein il a dit فاما النار. Le prophète Hassan dit فَأَمَّا النَّارِ. Quant à l'enfer فَلَا تَمْتَلِئُ حَتَّى يَضَعَ اللَّهُ قَدَمَهُ عَلَيْهَا فَتَقُلْ قَطْ. Non. Il a dit quant à l'enfer, l'enfer ne se remplira pas. Non. Jusqu'à ce que Allah Ta'ala vienne et mette son pied, Azza wa Jal, exalté soit-il, le pied, le beau pied qui est là, qui lui convient, il va le mettre sur l'enfer. Naam. Alors elle va s'écraser. Elle va yani, s'écraser un peu jusqu'à ce qu'elle devienne complète. C'est comme, regardez, on a par exemple, on a une boîte comme ça. Naam. Et yani, on l'écrase avec le pied, elle devient petite. La boîte qui on devait mettre par exemple à l'intérieur un demi-litre de lait. Maintenant que je l'ai écrasé, je ne peux mettre qu'un quart. Elle a rétréci. Jahannam va rétrécir et devenir petite. Quand Allah Ta'ala mettra son pied sur elle. Naam. Sinon, khlas, qu'est-ce qu'il va lui donner? Il lui a jeté des hommes, il lui a jeté des cailloux, il lui a jeté des rochers à l'intérieur. Naam. Wa quduha an-nas wal hijara. Comme a dit Allah Ta'ala, an-nas wal hijara. Elle s'allumera des gens et des cailloux et des rochers. Tayyib. Il a dit فَلَا يَظْلِمُ اللَّهُ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا. Allah subhanahu wa ta'ala ne fait jamais du tort à une personne. Toute personne qui va se retrouver en enfer, c'est elle qui s'est fait du tort. Allah ta'ala ne lui a fait que du bien. Il lui a donné un cerveau pour réfléchir. La raison. C'est pour ça que Allah ta'ala ne fait pas rentrer le fou en enfer. Il ne fait pas rentrer l'attardé le mental en enfer. Il ne fait pas rentrer le stupide qui ne sait pas ce qu'il dit, etc. en enfer. Naam. Et ne te châtie pas si tu fais quelque chose en dormant. Car ta raison n'est pas avec toi. Et ne n'accepte pas ton divorce si tu es dans un état où tu sais plus ce que tu dis. Tu as perdu la raison. Et comme ça. Donc Allah Ta'ala t'a donné ta raison, t'a fait descendre le Coran, a envoyé des messagers. Naam, tu entends toujours l'adhan à la télévision, partout, tu entends les douros, tu veux, et tu n'as pas voulu suivre. Tu dis non, je préfère la vie. Je suis jeune et beau et fort. Je suis jeune, beau et fort et riche. Je remplis les quatre conditions en parenthèse de Jahannam. Donc, je veux profiter. Je ne vis qu'une fois, comme disent beaucoup de gens. Tu ne vis qu'une fois, ma chère, tu ne vis qu'une fois. Profite pendant que tu es jeune. Profite. Tu as 20 ans, 18 ans. Tu es dans l'âge de la fleur, l'âge du dancing et des cabarets. Profite. Après, Inch'Allah Ta'ala, à 50 ans, tu vas au Hajj. Et Alhamdoulilah, tu te laves là-bas et tu reviens. Tu as annulé tes péchés, Masha'Allah. Profite maintenant l'âge pour aller la drogue et les femmes. Inch'Allah, à 50 ans, ou à 60 ans, on va te donner une canne. Une canne, tu vas t'appuyer dessus. Et tu prends avec toi le sachet de médicaments. Et tu pars au Hajj, Inch'Allah, tu te laves là-bas. Tu laves tes os. Et tu reviens, tu n'as plus de péché. Masha'Allah, voilà ce qu'il faut faire. Beaucoup de gens disent, on ne vit qu'une fois, mon cher. Ah, on ne vit qu'une fois. Les ulama disent, quiconque dit, on ne vit qu'une fois, c'est un kafir. Sauf, si c'est un jahl, alors, on lui rappelle, on lui fait un rappel. On lui dit, taqidlah, comment on ne vit qu'une fois? Ça veut dire, si je meurs, je vais devenir de la poussière. Taqidlah, tu crois pas à la résurrection? Ah, cheft. Donc, c'est grave de dire, on ne vit qu'une fois. Naam. Et supposons qu'on ne vivait qu'une fois. Si je ne vivais qu'une fois, alors je vivrai cette vie pour Allah. Je la vivrai pas pour le shaitan. Je la vivrai alors pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah ta'ala t'a tout donné. T'a montré le chemin qui mène vers lui. T'a dit attention, ne suis pas l'autre chemin qui mène vers Jahannam. Le chemin du shaitan. Et la personne a choisi. Allah ta'ala dit وَهَدَيْنَهُ النَّجْدَيْنِ. On lui a donné les deux sentiers. Il t'a dit ce chemin, suis-le, il mène vers moi. Ce deuxième chemin, attention, ne le suis pas, il mène vers Jahannam. Et maintenant, la personne, de son propre gré, choisit d'aller dans le deuxième chemin. Donc, est-ce qu'elle va plaindre Allah Ta'ala yawm al-qiyamah? Il lui dit, c'est ta faute. Impossible. Même le shaitan, quand yawm al-qiyamah, tu vas lui dire, c'est ta faute, il te dit non. C'est cité dans le Coran. Il te dit non, jamais. Je ne t'ai pas mis les chaînes dans tes mains et je t'ai tiré de la mosquée vers le cabaret. Jamais. Seulement, je t'ai dit dans ton oreille, tu es jeune, profite. Inch'Allah, tout le monde. Inallah ghafur rahim. Allah ta'ala est pardonneur. Profite, après on verra. Seulement, je t'ai dit dans ton oreille, est-ce que je t'ai enchaîné? C'est ta faute. Tu n'as pas dit A'oudou billahi min shaitan rajim quand tu m'as entendu parler dans ton oreille. Pourquoi tu n'as pas dit A'oudou billahi min shaitan rajim? Pourquoi tu n'as pas lu Ayatul Kursi? Pourquoi tu n'as pas lu Qul huwallahu ahad? Donc c'est ta faute. Tu ne m'as pas chassé. Quand je t'ai dit comme ça, ça t'a plu. Tu as senti ton cœur s'ouvrir. Et tu as dit, en fait, il a raison. Je suis jeune. Et tu m'as suivi, c'est tout. Mais wallah, ya Allah. C'est shaitan qui dit ya Allah. Tout le monde sait que ce n'est pas de ma faute. C'est de sa faute à lui. Moi, mon travail, c'est de faire ça. Ya Allah, j'ai été créé pour faire ça. Mais il ne devait pas me suivre. Naam. Aucune personne n'aura une excuse, une preuve contre Allah. Jamais, c'est impossible. Donc ici, qu'est-ce qu'il va lui dire? Wa amma al-jannah. Quant au paradis, fa inna Allah yunshi'u laha khalqan. Subhanallah al-azim. Il a dit, quant au paradis, donc, l'enfer. Allah Ta'ala va mettre son pied jusqu'à ce qu'elle rétrécisse. Place, elle ne peut plus prendre deux gens. Même si on jette à l'intérieur, il n'y a pas de place. Elle s'est rétrécie. Il a dit, quant au paradis, c'est tellement vaste, tellement grand, tellement spacieux, tellement illimité, que Allah Ta'ala, que va-t-il faire? Il va créer des gens spécialement pour le paradis. Il va créer des gens qui ne sont jamais descendus sur terre. Qui n'ont jamais été enfantés par leur mère. Des gens spécialement qui vont vivre ils vont ouvrir les yeux, se trouver directement au paradis, tellement si vite. Si on laisse comme ça, imagine, je vous donne un petit exemple. Imagine toi, non, je vais te donner une villa avec une ferme de 500 hectares, ou là 1000 hectares. Tu peux pas 1000 hectares. C'est beaucoup, je veux dire, pour te promener, etc. Tu peux pas. Combien il te faut de temps pour traverser les 1000 hectares et savoir qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté, etc. Là, c'est rien. Imagine le paradis. Illimité. Si Allah Ta'ala ne va pas créer des personnes à l'intérieur, etc., pour la compagnie, etc., ça va être autre chose. Naam, des gens spécialement créés pour le paradis. Des femmes et des hommes. C'est pour ça que la femme qui ne s'est pas mariée, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il n'y a pas de célibataire dans le paradis. Une femme qui s'est jamais mariée ici, ou bien choisie là-bas. Un homme comme nous, qui par exemple ne s'est pas marié, non, ou bien un homme dont sa femme a été à l'enfer, qui ne va pas sortir, elle est kafira, et lui il est musulman, non, elle choisit cet homme, ou bien choisit un homme spécialement créé au paradis. Non, spécialement créé au paradis. Mais si elle parle avec lui, peut-être qu'il y a beaucoup de choses, ils ne vont pas se comprendre, peut-être, parce que lui n'a pas été sur terre. Elle va lui parler du marché, du je ne sais pas quoi, qu'est-ce qui se passait, et c'est les monoprix, etc. Wallah subhanahu wa ta'ala, j'arrête, inshallah ta'ala, ici, barakallahu fikum, jazakumullahu khayran. On se rencontre, inshallah ta'ala, dans 5 minutes pour répondre à vos questions. Subhanakallahu bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير يا القلم وست تخدمكم بارك الله تعالى فيك نعم وست rapidité dans la traduction j'aurais aimé si c'était par exemple avec une autre couleur un bleu ou là, je ne sais pas, hein, moi ça ne me paraît pas yani, très très clair. C'est moi qui ne vois pas bien, je ne sais pas. Al-Muhim, Jazakallahu khayran pour cette chose. On commence par Allahu Akbar 78, Inch'Allah ta'ala. Naam. Et. Oui. Tafadhal. Où est Wasbou? Où est le akh à qui j'ai enlevé le point rouge? Coran et Sunna, Allah yahdik. طيب الاخ واسكي دي الاخ كي ا لوفي لا لام نو توا tu as donné Coran Sunna, toi tu as donné, moi j'ai enlevé, toi tu as donné. الله اكبر تفضل. Pas de problème inchallah. Mokhtar 571, tafadla, je t'ai enlevé le point rouge, Mokhtar. Tafadla. Le temps que l'autre il se prépare, Inch'Allah. Tafadla, Mokhtar. Salamu alaykum, Cheikh. Est-ce que le shahid de la noyade ou autre, a le même degré que le martyr en djihad? Pourra-t-il donc intercéder en faveur de 70 membres de sa famille? Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Celui qui intercède auprès de 70 membres de sa famille, c'est celui, le shahid de la bataille. Naam, c'est le shahid de la bataille. Bi'idhnillahi ta'ala, ce qu'on appelle le grand shahid. Shahid al-Kubra, naam. C'est lui, bi'idna ta'ala, qui intercède naam, en ce qui concerne les 70. Les 70 membres de sa famille. Naam. Tfadl. Inch'Allah ta'ala, la deuxième question. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Excusez-moi, mais la question n'a rien à voir avec le sujet, mais la fois passée, je n'ai pas eu le temps de la poser. Voilà, je vais me marier dans quelques temps. Comment savoir si la personne qu'on va épouser est la bonne personne? Comment en être sûr? Une femme a-t-elle le droit d'aider une vieille personne ou un handicapé, homme par exemple, à descendre les escaliers, traverser la rue en lui tenant la main? عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب إن شاء الله تعالى on aurait pu laisser cette question pour la prochaine fois إن شاء الله تعالى mais non, maintenant que ça a été posé. طيب c'est donc quoi la question? Il n'y a rien non, qui puisse nous dire si cette personne est la personne, la bonne personne à choisir ou pas. Non, s'il y avait cela, il n'y aurait jamais eu de divorce. S'il y avait quelque chose qui montre que telle personne c'est la meilleure personne à choisir, par exemple, il n'y aurait jamais eu de divorce. C'est pour ça que, avant de se marier, qu'est-ce qu'on fait? Hein? On fait salat al-istikhara et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider pour que on fasse le bon choix. C'est tout. Mais il n'y a rien qui puisse montrer cela à part l'istikhara qui aide. Idnillahi azzawajal. طيب. Autre chose, une personne a le droit d'aider un handicapé à descendre des escaliers, sira, en tenant par la main, à condition que l'homme avec l'homme et la femme avec la femme. Naam, l'homme avec l'homme et la femme avec la femme. Naam. Maintenant, si c'est vraiment une daroura, si c'est vraiment une daroura, alors l'homme peut tendre la main à la femme et la femme peut tendre sa main à l'homme si c'est vraiment une daroura. Par exemple, quelqu'un qui est dans un puits, une femme, et il y a un homme qui est là. Il ne va pas dire, attendez, je vais chercher une femme. Et yani, elle risque de tomber dans le puits et de mourir. Mais il lui donne sa main pour la faire sortir. Naam. Quand c'est dans une daroura, il lui donne sa main. Et ce n'est plus interdit. Et s'il ne lui donne pas sa main, il va avoir des péchés. S'il ne lui donne pas sa main, il va avoir des péchés. Tant qu'il n'y a pas le même sexe devant lui. Naam. S'il y avait une femme, d'accord. Mais maintenant, il n'y a personne devant lui. Où il n'y a que des hommes, s'il ne lui donne pas sa main, il la laisse mourir, il aura des péchés. Taïb, tu fais de la Inch'Allah ta'ala le prochain. Salam alaykoum, cher, et à tous les autres dans la Rome. Qu'Allah nous accorde à tous la bonne compréhension du din et que tout ce qu'on fasse, on le fasse pour Allah. Ma question est, est-ce qu'une femme a le droit de réciter le Coran devant des hommes physiquement et en virtuel, comme sur le Paltalk? Et dans le but d'apprendre, est-ce qu'elle peut donner un cours aux hommes? Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Naam, ce que je sais des ulama, c'est qu'ils disent que la femme ne fait pas cela avec les hommes. Naam, la femme ne fait pas cela avec les hommes. Même dans le Coran, elle doit adoucir sa voix pour faire le runna, pour faire l'idram, pour faire ceci, et alors ça incite ceux qui ont une maladie dans leur cœur à rentrer dans la fitna. Ça les exhorte sans qu'elles le veuillent. C'est pour ça que elle ne doit pas faire cela en présence d'hommes, nam. Mais elle peut, par exemple, si c'est dans un tribunal ou là, citer un verset ou là pour réfuter un délit. Naam, elle se lève et elle cite un verset. Elle dit, Allah Ta'ala a dit, Ya ayyuhalladhina amanu, lima taquloon ma la taf'aloon. Et comme ça. Mais pas en faisant le tartil. Naam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Naam. Tafadhal inshallah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ya Sheikh. Un frère pose la question suivante. En France, les gens reçoivent des allocations comme les allocations familiales, le chômage, le RMI, etc. Est-ce que ces droits financiers sont autorisés aux musulmans, sachant qu'ils cotisent en payant les impôts? Ou encore, peut-on se contenter de ces cotisations? Barakallahu fikoum ya cheikh. Abdul Jalil, préparez votre question, Inch'Allah. Taïb, wa alaykoum salam, rahmatullah, barakatuh, maghfiratuh. Je n'ai pas bien compris la question lorsqu'il a dit est-ce qu'ils sont autorisés, ou bien lorsqu'il a ajouté ou est-ce qu'on peut se contenter de ces cotisations. Ça, je n'ai pas compris ce que ça veut dire, se contenter. Al-Muhim, je dis en général, quand l'État te donne de l'argent en contrepartie, parce que tu ne travailles pas jusqu'à ce que tu travailles, jusqu'à ce que tu travailles, c'est permis. Pourquoi? Parce que tu es un citoyen et l'État où tu vis, il doit te chercher du travail, il doit ceci, il doit cela. Car déjà, quand tu travailles, ils te prennent de l'argent, que tu le veuilles ou pas. Ils te prennent une certaine somme qui est de la cotisation, etc. Tu payes des impôts, etc. Même si tu ne le veux pas toi. Mais ce qui n'est pas halal, c'est que quand on te donne cet argent en contrepartie, car tu ne travailles pas, et toi tu travailles et tu prends cet argent. C'est ça ce qui n'est pas halal. Quand tu travailles et eux ils ne savent pas et tu prends cet argent. Wallahu ta'ala alam. Est-ce qu'on peut se contenter de ça, ne pas chercher à travailler? Non. Tu ne peux pas te contenter, car eux, ils te donnent cet argent, car tu n'as pas trouvé de travail. S'ils savaient qu'il y a le travail et tu ne veux pas travailler, ils ne t'auraient pas donné. S'ils savaient qu'il y a le travail et tu ne veux pas travailler, ils ne t'auraient pas donné. Donc ils te donnent parce que tu n'as pas trouvé de travail. Naam. Wallahu ta'ala alam tafadhal. Salam alaykoum, cher. Je suis entré en prière derrière à Habash et j'ai refait la prière juste après car je ne savais pas et m'en suis rendu compte à la fin de la salat. Ai-je eu raison d'estimer celle-ci non valable derrière lui? Voilà qu'Allah oufik, qu'Allah vous rajoute de sa noble science. Amin. C'est la fillette du 54, préparez votre question, Inch'Allah. Si, avant de rentrer dans la salat, je sais que c'est un ahbash, je ne rentre pas derrière lui. Non. Si, après avoir terminé, je me rends compte que j'ai fait la salat après un ahbash, la ahbash, c'est pas obligé que je la refasse. Non. Mais, puisque cette personne a déjà refait la salat, ça ne fait rien et peut-être c'est mieux. Peut-être c'est mieux, car la bid'a des ahbash est vraiment grave. La bid'a des ahbash est vraiment grave. Mais, on ne refait pas la salat, par exemple, derrière un tabliri. Non. Sa bid'a comparée à la bid'a des ahbash, c'est vraiment grave, si ce n'est pas une bid'a mukafira. Car c'est une bid'a qui peut faire deux des kuffars. Non. Quant au tabliri, non. Sa bid'a n'est pas mukafira. Il lui manque juste un peu de science et de s'éloigner un peu de quelques innovations. Naam. Inch'Allah ta'ala, donc, tu as refait ta salat. Inch'Allah ta'ala, c'est par, yani, par taqwa et par ceci. Naam. Inch'Allah ta'ala. Fiche mouchkine. Tafadhal. C'est la fille du 54. Est-ce que vous êtes là, Inch'Allah? C'est la fille du 54. Tapez un clin, Inch'Allah. Un barakallahu fikoum. La question est terminée. Un barakallahu fikoum. Salam alaykoum, Cheikh. Si on fait la prière du witr le soir avant de se coucher, peut-on le matin au fajr faire des. D'autres prières surérogatoires. Oumou Hudaïfa, préparez votre question, Inch'Allah. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. C'est la fille du 54, spécialement pour toi. Naam, quand on fait la prière du 8 avant de se coucher, naam, ensuite on ne fait plus de prières. Après avoir fait quoi? Jusqu'à ce qu'on fasse la prière du Fajr, Inch'Allah Ta'ala, et directement celle du Subh. Mais, celle du 54, tu peux faire seulement deux rak'at, si tu veux la nuit. C'est quoi? Maintenant, si tu te lèves avant le Fajr, tu vas faire le Wudu. Tu sais que il est de la Sunna après avoir fait le Wudu. Il est de la sunna de faire deux rak'at. Donc voilà ce que tu peux faire. Tu peux faire deux rak'at à cause du wudu. Et non pas à cause de surérogatoire. Naam, à cause du wudu. Et tu peux les allonger si tu veux. Naam, ça se fait. Mais de préférence après le 8, on ne fait plus de salat. Sauf si on fait pour celle du wudu. Ou bien on fait deux rak'at assises. Comme faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Plusieurs fois, quand il terminait le 8, qu'est-ce qu'il faisait? Il s'asseyait et il faisait deux rak'at. Il lisait dans la première, Ida zulzilatil ardu zilzalaha, et dans la deuxième, Qul ya ayyuhal kafirun. Et beaucoup de gens, naam, ne font pas cette sunna. Naam. Wallahu ta'ala a'lam. Tafadhal, inshallah ta'ala, le prochain. Jazakillahu ta'ala pour la fleur. Naam. Prochain, inshallah, tafadhal. Salam alaykoum, Cheikh. Ma question est la suivante. Qui choisit la dot? Le wali ou la sœur demandée en mariage? Barakallahu fik. Converti, alhamdulillah. Préparez votre question, Inch'Allah. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Normalement, c'est elle. Elle. Pourquoi? Parce que l'argent revient à elle et pas où elle est. Ce n'est pas une marchandise qui vient de vendre. Ce n'est pas un frigo ou une voiture qui vient de vendre. Mais l'homme donne à la femme la dot pour qu'elle achète les vêtements nécessaires et la parure nécessaire. Son père n'a rien à voir avec quoi? N'a rien à voir avec la dot. C'est pour ça que s'il demande beaucoup, par exemple, il demande beaucoup, alors quand l'homme donne, par exemple, la dot, avant de la donner, elle peut se désister entre elle et lui. Entre elle et lui, par exemple, elle lui dit, par exemple, mon père a demandé, par exemple, 10 000. Ça ne fait rien, ne donne pas 10 000. Donne-moi seulement, par exemple, 5 000. Par exemple. Elle peut se désister parce que c'est son argent. Sauf si elle sait que son père va, c'est lui qui va tenir l'argent. Ça, c'est autre chose. طيب تخوش ان شاء الله تفضل لا يجازيك كوفرتي الحمد لله بوت كيستيون ان شاء الله Alhamdoulilah, est-ce que vous êtes là? La patience, une vertu. Inch'Allah. Posez votre question, Inch'Allah. C'est bon, vous avez été débloqué. Inch'Allah, si vous pouvez préparer vos questions à l'avance pour pas perdre de temps. Qu'est-ce qui est bloqué? Si la question est trop longue, donnez-la à l'admin, Inch'Allah. Donnez-la moi en PV, Inch'Allah. Oum Abdelhaq, Inch'Allah, posez votre question. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Pouvez-vous rappeler les conditions du martyr? Quelqu'un me dit qu'une personne morte brûlée suite à un braquage est morte en martyr, car elle a déjà été punie par son péché en mourant brûlée. Est-ce juste? Barakallahu fikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. J'ai pas bien compris comment elle est morte brûlée suite à un braquage. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Vous pouvez m'expliquer. Un braquage, c'est-à-dire par exemple, elle va dans une banque et elle veut voler la banque. Et suite à ça, il y a un incendie par exemple et puis elle brûle. Voilà. Non, cette personne qui est allée braquer une banque et qui est morte brûlée, aura deux châtiments. Le premier, c'est d'être brûlée dans cette vie, brûlée vif. Allah Ta'ala l'a brûlée pour avoir fait ce grand péché. Et il y a le feu qui l'attend aussi, demain chez Allah subhanahu wa ta'ala, sauf si Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne. Comment mourrait-il en martyr, lui le pervers, cette personne qui est perverse, fasiqa, est allé voler un voleur qu'on doit couper sa main, il meurt martyr. Naam, il a été brûlé et il sera encore brûlé sauf si Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne demain. Il est impossible que quelqu'un qui meurt dans un péché soit un martyr. Il est impossible que quelqu'un qui meurt, Allah ta'ala en colère de lui, soit un martyr. Naam, tfadla inshallah ta'ala le prochain. Donc, converti, alhamdulillah. Est-ce que votre question est prête? Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une amie à moi a une famille très difficile. En effet, sa tante fait du shirk en faisant des mauvaises choses avec des photos, bougies, etc. Cette amie donc a été voir une dame qui pouvait la soigner en sachant que cette dame prie, jeûne et a prononcé que des paroles du Coran. Entre parenthèses, elle lui a fait aussi des trucs avec des bougies, des choses à enterrer, etc. Est-ce correct? Est-ce aussi du shirk? Et pour qui mon ami? Et pour qui mon ami ou la dame? Oum Abdelhaq, si tu es là, écris numéro 1. Si tu m'entends. Alhamdulillah. Oum Abdelhaq dit, quelle preuve vais-je lui donner? Écoute, tu lui dis, d'ailleurs je l'ai cité tout à l'heure, tu lui dis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui meurt noyé, c'est un shahid. Ça? Tayyib. Tu lui dis, et il a dit dans un autre hadith, quiconque rentre dans la mer quand elle est agitée, s'il meurt, l'islam se désavoue de lui. Classe, désavoue de lui. Dis-lui, regarde, il devait mourir shahid, mais maintenant qu'il a fait le péché de ne pas obéir au prophète alayhi salam, classe, l'islam se désavoue de lui. Dis-lui la même chose. Cette personne brûlée allait être en martyr. Mais maintenant qu'elle a fait, elle n'a pas obéi, et elle a transgressé le Coran, et elle est allée voler, braquer, classe, elle n'est plus shahid. Si elle meurt, elle meurt en enfer. Naam. Oum Abdelhaq, est-ce que c'est compris? Est-ce que c'est clair? Le dalil est très clair, Oum Abdelhaq. Naam. Alhamdulillah, barakallahu fiqh. Alhamdulillah. Oum Abdelhaq, j'aurais aimé que, par exemple, toi, tu trouves ce que je viens de dire. Parce que ce que je viens de dire, moi, je ne l'ai jamais lu. Je me suis maintenant rappelé que tout à l'heure, j'ai dit un hadith. Et j'ai comparé, je suis arrivé à cette solution. Inch'Allah ta'ala, j'aurais aimé que, toi aussi, avec ton raisonnement, tu dises, il a cité un hadith. Donc, le hadith a dit ceci, cela. Ma'alish, jazakillahu khairan, barakallahu fik. Tu as maintenant le dalil avec toi. Inch'Allah, tu es une des élèves assidus. Inch'Allah, très bientôt, tu commenceras à donner des dalils toi-même et à faire des questions-réponses aux sœurs, Inch'Allah. Naam. Tayyib. C'était quoi? Naam. Je dis à cette personne, wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Naam. Allez chez une femme pareille, qui utilise les bougies et les photos, ça rentre dans le shirk. Naam. Mes frères et mes sœurs, ne vous laissez pas influencer et duper, ne vous laissez pas duper par des personnes qui lisent le Coran. Naam. C'est très facile de lire le Coran. Mais je lis le Coran pourquoi? Juste pour te duper et t'attirer et te prendre ton argent. Naam. Comme ça, tu vas m'entendre en train de lire le Coran. Tu dis, Mashallah, je suis une voyante, mais c'est une bonne voyante celle-là. Elle est Mashallah. Elle lisait, elle était coursée. Ah, elle me disait, fais voir ta main, attends, qu'est-ce qui se passe dans ta main. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Il y a quelqu'un qui va demander ta main très très bientôt. Naam, dans 15 jours inchallah, il va venir demander ta main. Lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard man alladhi yashfa'u 'indahu ikum sa. Naam, il va te lire le Kursi. Il va dire subhanallah, elle parle avec le Coran, c'est une vraie voyante, celle-là, c'est une vraie, c'est pas une fausse voyante. Naam, alors il faut pas être dupé par le Coran ni par qu'on vous lise quoi des hadiths. Mais regarde seulement le fait qu'elle fasse des bougies, qu'elle fasse des photos, qu'elle mélange cette chose avec l'autre, etc. Tout ça, ça rentre dans le shirk. C'est grave pour la personne elle-même, la dame qui fait cela, et c'est grave pour celui qui va chez elle en demandant le médicament ou bien en demandant le soin. Quiconque est allé chez cette femme, qu'il regrette, et fasse la tawba et demande à Allah Ta'ala de lui pardonner et qu'il fasse dans son intention de ne jamais y aller une deuxième fois. Et là, c'est lui le pardonneur. Tafadhal inshallah. Pour acheter sa faute, je viens de le dire, naam. Elle fait trois ou quatre choses. Elle regrette, ensuite elle n'y va plus y aller, elle demande à Allah Subhanahu wa Ta'ala de lui pardonner, elle fait la tawba et aussi j'ajoute autre chose, et si elle peut, elle met en garde contre elle. Là, elle met en garde contre elle, les voisines, etc., pour qu'elle n'aille pas chez elle. Là, tafadhal, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'aimerais savoir quand vous allez parler de la ruqya, car ça fait trois fois que je retourne dans le même appartement. Il y a un sihr là-bas. Comment faire partir ce sihr? Fredaouz 13015, Inch'Allah, préparez votre question. Tayyib, converti, alhamdoulilah, peut-être a oublié de dire salam alaikum. Ça ne fait rien. Alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Moi, je l'ai dit à ta place. Comment sais-tu, il y a converti, comment sais-tu qu'il y a un sihr? J'attends, Inch'Allah ta'ala, la réponse. Comment sais-tu qu'il y a un sihr? Qu'est-ce que tu as vu pour dire ça, c'est un sihr? J'attends, Inch'Allah ta'ala, ta réponse. Ah, jazakallahu khair. Ah, jazakallahu khair. Naam, on n'enlève pas, la fois passée, j'ai dit qu'on n'enlevait pas. Assalamu alaikum. C'est un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. On le laisse pour que je le dise. Et on a des hasanats quand je le lis et quand je réponds. Tayyib. J'ai demandé à Allah et je rêve de la maison. Pas de soucis, Minhaj. J'ai demandé à Allah et je rêve de la maison. Non. Tayyib, converti, alhamdoulillah, ce n'est pas une raison suffisante. Le fait de rêver de la maison. Non. Rêver de la maison, ce n'est pas un dalil très clair et très sûr que c'est le sihr. Naam. Où est la preuve que quand je rêve de la maison, ça veut dire que il y a du sihr à l'intérieur? Moi, je vais te donner les signes du sihr. Naam. Rappelez-moi comment qu'on dit quelqu'un quand il est malade. Qu'est-ce qu'on dit de lui? C'est pas des signes. Il a, comment qu'on dit le mot là? J'ai demandé à Allah les symptômes, barakallahu fik, les symptômes, naam. Je vais te donner les symptômes du sihr. Tayyib, il a dit, j'ai demandé. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى أرآه استغنى إن إلى ربك الرجعى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى ألم يعلم بأن الله يرى كلا كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه فليدع ناديه سندع الزبانية سندع الزبانية كلا كلا لا تطعه واسجد واقترب لا تطعه واسجد واقترب السلام عليكم ورحمة الله في صوت نعم الحمد لله الحمد لله طيب واسمك القلم القلم جزاك الله خيرا pour m'avoir appelé mais je voulais pas très parce que je savais inshallah tala que je pouvais rentrer dans le bateau j'ai dit c'est pas la peine que je lui prenne un peu de livre sterling ou là je sais pas qu'est-ce que vous avez au Canada comme j'ai dit puisque je sais que je peux entrer Mais si je pouvais pas, je t'aurais parlé. Naam. Et Jazakallah khairan aussi celui qui m'a envoyé le minhaj pour me dire que j'étais déconnecté. Taïb, je disais que, naam. Je disais que, supposons que maintenant dans cette maison il y a le sihr. Naam. Supposons que dans cette maison il y a le sihr. Naam. Qu'est-ce qu'il doit faire? Ou bien il doit faire beaucoup, laisser entendre.